excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Et nous allons vérifier du sondage maintenant. Hein. Sondage donc, que préférez-vous ? Garder votre travail et ne plus faire l'amour, ou alors perdre votre travail mais continuer à faire l'amour ? Pour l'instant, 80% de personnes qui répondent qui préfèrent perdre leur travail mais continuer à faire l'amour. Voilà, mieux vaut faire l'amour pauvre que ne pas faire l'amour riche. Voilà, en gros c'est ça. C'est ça. Bah oui. Bon. Oui, c'est un peu ça. Ouais. On va appeler à Erso maintenant, vérification du sondage. Hein. Et allons-y. Allez, c'est parti, on appelle pour le vérifier, c'est parti. Allez. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que 43% des hommes ont déclaré qu'ils pourraient se passer de sexe pour garder leur travail. Qui c'est le con là ? Pardon ? Qui c'est que c'est le con là, au téléphone ? Je ne fais pas le con, monsieur, je vous appelle pour vous poser une question. En fait, je voulais savoir si vous pourriez vous passer de sexe pour conserver votre travail, ou si vous préférez, par contre, continuer à pouvoir faire l'amour et perdre votre travail. Non, mais c'est une connerie, ils sont à 6h du matin, il n'y a pas de soldats, des montres ou quoi ? Ah non, pas du tout, monsieur, c'est une question très sérieuse. Vous êtes qui, vous ? Moi, je suis Toff. Bon. Voilà, c'est moi. Et donc, je veux savoir si vous préférez continuer à faire l'amour ou garder votre travail. Un modèle ou quoi, toi ? Mais pas du tout, monsieur. Ah, il est parti, il est parti, c'est pas grave, c'est pas grave, on va le rappeler. Peut-être qu'il fait déjà plus l'amour depuis très longtemps. Oui, ça c'est possible aussi. Ou qu'il a plus de travail. Peut-être, on le rappelle. Ou les deux ? Oui, excusez-moi, nous avons été coupés, vous n'avez pas répondu à ma question. Non, j'ai pas été coupé, j'ai raccroché. Ah, mais vous avez pas répondu à ma question quand même. Je vais mettre des montres au matin. Oui, moi je veux juste vous répondre à ma question. On me sent pas bien, c'est con, vous, quoi. Mais pas du tout, enfin. Oh, dites donc, alors on va vous apprendre la politesse, vous. Bah ouais. Hein, mmh. Bon, on rappelle. Ah, on rappelle. Bah oui. Bah oui, c'est pas lui qui voulait raccrocher. C'est oui, ça. Bien sûr. Pas déconner quand même. Et tu arrêtes de me passer les couilles, toi. Ah. Oui, mais vous avez oublié de répondre à ma question. T'es Toff comment, toi, hein? Bah moi je suis Toff Toff. Ouais, Toff mon cul, ouais. Là toi t'arrêtes de me passer les couilles, parce que moi je dors, ça va. Et Toff mon cul. Bah, Toff mon cul, ça lui va. Voilà. Ouais. Je trouve que le nom de famille lui va bien. Toff mon cul, c'est pas mal. Ouais, je vais prendre ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Et on va prendre Youssouf maintenant pour jouer avec nous. Salut Youssouf. Youssouf ? Oui ? Ah, tu es là, parfait, ça me rassure. Comment ça va, Youssouf ? Ah, ça va bien. Eh ben, tant mieux, sois le bienvenu, Youssouf. T'appelles de Bruxelles, t'es étudiant, toi ? Comment ça va se passer, les études, là ? C'est fini, les examens, ou pas encore ? J'ai fini. T'as fini ? Eh ben, écoute, très bien. C'est bien, c'est beau. Et qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci, si t'as fini ? Oui, c'est ça la question qu'on peut te poser, ouais. Ben, je t'écoute, là. Ah, ben, c'est bien. Il est bon, ce Youssouf. Il a gagné. Mais c'est bien, Youssouf. Bon, Youssouf, parlons de choses sérieuses maintenant. Tu vas peut-être jouer dans un instant pour repartir avec un smartphone, un écran plat, une tablette ou même un... Ah non, non, non, dans le jeu des miss, c'est l'iPod ou le maillot de foot, autant pour moi, je me suis emballé. Ou alors avec les places de ciné. 5 questions, tu fais 4 sur 5, c'est les places de ciné. 5 sur 5, c'est l'iPod ou le maillot de foot. Et en dessous de ça, tu repars avec que dalle. D'accord, Youssouf ? Ok, je pense que je vais repartir avec que dalle. Ah bah, c'est bien. C'est ta partie. Il se prépare. Ouais, c'est bien. Mais c'est bien psychologiquement de se dire que finalement, bah, tu vois, tu n'auras rien, comme ça au moins t'es pas déçu. Première question, quelle ville veut interdire la drague en rue? Bruxelles. Non, Malines, ça commence mal. Dans l'arrondissement BHV qui se sépare des deux autres. Je sais pas, moi. Bah, c'est pour ça que je te pose la question. Tu sais pas? Non. Eh ben c'est dommage, là c'était Bruxelles, tu vois. Hein. Bon, quel grand acteur français vient d'être décoré de l'ordre de Léopold ? Je sais pas. Jean-Paul Belmondo. Comment s'appelle sa femme ? Bon, j'avoue, ça c'est perché un peu. Ça c'est perché un peu. Tu vois pas ? Non. Barbara Gondolfi. Eh oui. Et enfin, en quelle année la Belgique a-t-elle remporté une grande compétition internationale de football ? Un indice, c'était aux Jeux Olympiques. Aïe. Difficile. Tu vois pas ? Là. En 1920 ! Bon, mais il avait très bravo. Ouais, c'est vrai. Bon, tu t'es pas foutu de nous parce que dès le début tu savais que t'allais perdre, donc voilà. C'est pas mal. Bon, et ben voilà, je pense que tout est dit. Ouais. On réutilisera ces questions-là demain. Hein. Voilà. Youssouf, passe une bonne journée quand même. Hein. Ah, merci. Allez, big up à toi aussi. 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Et oui, la journée internationale de Pierre aujourd'hui. Et aujourd'hui, Pierre a décidé de proposer des services un petit peu particuliers aux maisons de retraite. Mm-hmm. Ah, c'est-à-dire bah oui. J'ai peur. Rien, il se lance, peur, ouais. Il se lance dans un nouveau travail. Ouais. Donc voilà, il a décidé d'appeler des maisons de retraite. C'est parti. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vos personnes âgées sont épanouies sexuellement? C'est une drôle de question. Ah oui. Oui, mais parce qu'après, je vous proposerai un service, justement. Oui, mais je voudrais savoir qui vous êtes pour alors, ce genre de questions. Oui, alors nous sommes une entreprise de l'image à domicile et on propose des services d'amour et d'actes sexuels envers les personnes âgées qui sont demandeuses et désireuses de se faire un peu câliner. Eh bien, non, ici, il y a ce qu'il faut, monsieur, je vous remercie. C'est-à-dire que c'est le personnel qui touche les personnes âgées? Absolument. Ah bah bravo. Résidence Macri, Corinne, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous proposons des services de l'image à domicile. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que nous sommes une équipe d'hommes et de femmes qui, en fait, donnons du plaisir aux personnes âgées en désir de se faire limer. Non, on n'est pas intéressé, désolé. Et pour le personnel ou les équipes? Non, du tout. Vous voulez pas vous faire limer? Du tout, au revoir. Ah bon? Résidence Mapi, Corinne, bonjour. Oui, Corinne, ne sois pas frigide et laisse-toi limer. Résidence Mapi, bonjour. T'as un frigo, hein? Allô? Oui, un vrai congélateur. Vous avez rien d'autre à faire? Bah non, mais c'est une entreprise sérieuse qui propose des services à domicile. Non, mais c'est bon, on n'a rien besoin. Alors pourquoi vous voulez pas vous faire limer? Oui, allô? Ça fait combien de temps? Faites-vous limer, bordel. Vous allez arrêter d'appeler parce que ça va finir mal. Bah ça va finir mal, tu vas te faire limer et puis c'est tout. Connasse. Oui, oui, elle s'insulte elle-même et ça c'est beau. Et ça c'est magnifique. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Hey, what's up? This is Gabe from Cobra Starship. Le matin, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Je comprends rien. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. On va jouer maintenant avec Pascal de Wemel, secrétaire. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment ça va? Hello. Bah bien, je suis en train de déjeuner. Eh ben écoute, bon appétit bien sûr. Prends des forces Pascal. Mais oui, bon appétit bien sûr Pascal. Bon, dis-moi Pascal. Allez, qui veux-tu affronter? Pascal, tu veux jouer au ni oui ni non, ni vous verrez bien, face à qui? Face à Julie ou face à Aline la stagiaire? Julie. Voilà, Aline la stagiaire qui n'est plus stagiaire, hein, qui est touriste. Qui est touriste. Voilà. Mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Pascal, tu veux m'affronter? Mais oui, mais c'est parce qu'elle a plus de chance. Facile, voilà. Elle a plus de chance de gagner. Bon, allez. Pascal, on y va. Une minute, il faut tenir une minute de conversation la plus logique et naturelle possible avec Julie, sans dire oui, sans dire non et sans dire du. Voilà. Wow. D'accord, Pascal. En revanche, il faut tout faire pour lui faire dire, fatalement. Bon, on y va. Oui. Une minute, allez, prête? Vous êtes prête? Oui. Oui, allez, c'est parti. Une minute pour la conversation, pour le ni oui ni non ni du. Salut. Comment Pascal. Comment ça va aujourd'hui, Julie? Très bien, merci. Et toi? Ça va bien. Tu es en train de manger? Exactement. Et tu un bois peu quoi? De tartine. Et tu bois quoi? Du thé. Du thé. Allez. Bravo, Julie. Bravo. Pourtant, je voyais Pascal au taquet. Hein. Elle t'attendait. Elle t'attendait une perche, Pascal, avec le petit déjeuner, là, tu vois. C'est, c'est facile, mais effectivement, Pascal était au taquet. Reviens m'affronter quand tu veux. Et ouais. Bon, Pascal, en tout cas, bravo. On sentait que t'étais vraiment au taquet. C'est dommage que t'aies perdu. Je te voyais plutôt gagner. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça arrive, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, ça arrive même au meilleur. Comme mais quoi. Passe une bonne journée, Pascal. Voilà, je te fais des gros bisous, Pascal. À bientôt. Salut. Allez, salut. Ciao. 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio.